te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time. À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bienvenue à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de Sekaya FM 88.3 à Québec. Une autre belle émission, mesdames et messieurs, très chargée comme à l'habitude, avec mon collaborateur, monsieur Andrew Castegan. Bonjour. Salut Andrew, de quoi tu vas nous parler cette semaine? Je vais faire un petit retour dans le passé. Je vais parler d'un jeu qui est sorti il y a un bon moment sur la Xbox Live Arcade et le PlayStation Network, Alien Omenite et Castle Crasher. Excellent. On a une belle petite chronique d'Andrew. Et on va avoir aussi un invité qui est déjà en studio, monsieur Luc Deschaines, alias Luduc. Ça va bien? Ça va très bien, Mike, et toi? Très, très bien. On va avoir une belle émission, en plus très chargée. On va avoir aussi probablement des nouvelles. On a peut-être un petit scoop qui va s'en venir vers la fin de l'émission. On vous en dit pas plus, on verra ça plus tard. Mais tout d'abord, on veut vous rappeler que Puissance Maximale, c'est aussi un site internet www.puissancemaximale.com où vous pouvez trouver des nouvelles, mais bien sûr, nos émissions également que l'on met toutes les semaines sur notre site. Il y a une page Facebook aussi. Vous tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche de Facebook. Vous allez nous retrouver à cet endroit-là également. Et bien entendu, le site internet de Sekaya FM, donc sekayafm.org, où vous pouvez devenir membre de la station. Et c'est le temps, mesdames et messieurs, une carte de membre, seulement 20$ pour encourager un micro libre à Québec, une belle station de radio. C'est le temps, profitez-en. Et même, vous pouvez faire des dons si vous avez plus d'argent. Et gênez-vous pas. Tout ça par PayPal ou même envoyez-nous un petit message sur notre page Facebook. On a des cartes, moi et Andrew. On est prêt à vous rencontrer en personne parce qu'on aime notre public. Et on va commencer tout ça avec une chanson, une belle chanson. Vous allez voir une reprise de Michael Jackson par le groupe Alien and Farm qui s'appelle Smooth Criminal. Vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de Sekaya FM 88.3 à Québec. Selling heartbeat, intimidation. Je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale. Mon petit bébé d'amour. Et oui, de retour à Puissance Maximale. Et on merci Normand d'ailleurs de nous présenter à chaque fois avec tant de passion. Et maintenant, on va parler avec Monsieur Luduc. En fait, Monsieur Luc Duchesne, je me suis trompé tantôt dans ton nom de famille. C'est pas grave, au pire des cas, je réviserai mon surnom. Je m'appellerai Ludes et tout. C'est pas plus grave. Ça fait aussi ludique et même avec un petit ton latin. Là, je suis sûr que les gens apprécieraient. Ludes. Donc, Luduc, les gens te connaissent de plus en plus à cause de tes vidéos, surtout portant sur les conventions. On t'a vu à Comic-Con l'année dernière, on t'a vu à Tacuton, on t'a vu à Cap et Kimono, même à Janimé aussi, avec un excellent vidéo avec Franck Pitiot, que j'ai eu moi aussi la chance d'interviewer. Je sais pas, parlons d'intervieweur à un autre. Là. Qu'est-ce que t'as passé de M. Pitiot en interview? J'ai été très étonné parce que justement, au départ, j'avais peur justement de créer un malaise, mais finalement, M. Pitiot est tellement généreux de sa personne. Je m'explique, c'est à cause que j'étais tellement en confiance, j'avais l'impression de parler à un ami. Finalement, on pourrait dire un tas de choses avec lui. On pouvait parler de tout et de n'importe quoi. Ça le dérangeait pas. J'étais très content. Et en même temps, ça donnait un très beau résultat de vidéo. Je suis vraiment content. Oui, effectivement, c'est un de tes très bons vidéos. Mais en fait, Luc, tu vas me permettre de t'appeler Luc. Oh oui, vas-y. Nom. Regarde, je peux t'appeler Mike, moi? Ben certainement. Oh, je te le permets. Écoute. Tu fais pas que ça dans la vie. Qu'est-ce que tu fais parce que les gens doivent se poser la question, qu'est-ce que tu fais comme travail dans la vraie vie entre guillemets? Eh bien, moi de mon côté, finalement, je suis graphiste travailleur autonome, c'est-à-dire que je m'occupe de la création de publicité, des fois c'est pour les journaux, des fois c'est pour les magazines. Eh bien, et là justement, je viens de terminer un mandat en tant que directeur graphique pour un magazine à Trois-Rivières qui s'appelle Les Bâtisseurs de Trois-Rivières, qui vient justement souligner les 10 ans de fusion de la ville de Trois-Rivières. Donc, si jamais vous tombez sur cette revue-là et que vous allez voir peut-être les directement dans la page équipe, vous allez vous rendre compte qu'il y a Luc Duchesne. Ben, c'est moi, ça. C'est bien le fun. Puis sinon, c'est ça, j'ai eu aussi un mandat de remplacer un professeur au Cégep de Rosemont à Montréal. Donc, il y a eu des élèves qui ont dû m'endurer pendant quelques temps. Ah, intéressant. Mais avec tout ça, qu'est-ce qui t'a amené finalement aux vidéos? Parce qu'il n'y a pas juste des vidéos sur les conventions. Là, si on visite ta page YouTube, il y a des choses bien avant les conventions. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire du vidéo? J'imagine que c'est pas l'attrait du vedettariat, là. J'imagine qu'il devait y avoir autre chose que ça. Ben, au début, c'était plutôt une passion. C'est-à-dire que ça a commencé avec un simple projet vidéo pour un projet d'oral en anglais. On nous avait demandé justement de faire une vidéo, de faire une série. Ben pas une série, mais une émission. Et c'est là justement où est sorti le premier épisode de Luke Boy, qui finalement est devenu une web-série par la suite, et ça a fait 3 saisons par la suite. J'ai été très content. Et après ça, de fil en aiguille, il y a eu une passion qui s'est développée, une équipe qui s'est formée. J'ai été très surpris. Et maintenant, regardez où ce qu'on en est. Je suis très content du résultat. Mais là, avec les vidéos que t'as réalisées, auxquelles t'as participé, t'en es venu à venir finalement aux conventions. Qu'est-ce qui t'a amené là? Y a-tu bien l'univers geek aussi? Là, c'est pas juste une histoire de convention, j'imagine. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir participer à cet événement-là? Y a quelqu'un qui t'en a parlé? Y a quelqu'un qui t'a dit, hey, j'aimerais ça que tu viennes filmer dans mon événement? Ou ça s'est amené comment, ça, dans ton projet? Ben, ça faisait 3 ans que j'entendais parler de l'Otakuton. Et qu'on me disait, ah, Luc, viens voir ça, et tu vas avoir du fun. Puis j'avais plusieurs camarades de classe qui s'en allaient là, tout déguisés. Puis je suis un passionné du déguisement. Puis quand je voyais des cosplays, des fois j'allais sur la page Facebook de l'Otakuton et je voyais les photos, les shooting photos. Je bavais par terre. J'avais du fun à voir ça. Et à un moment donné, je m'étais dit, un bon jour j'irai. Et l'occasion s'est portée justement en 2011, justement en août 2011. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas y aller? Et au départ, j'étais même pas supposé faire une vidéo. Je m'étais dit, bon, tant qu'à y aller, t'es aussi bien faire une petite vidéo pour le fun, pour le trip. Et c'est là qu'est né le premier reportage. Et après ça, de fil en aiguille, on a vu le nombre de visionnements, ça a commencé à pogner. J'ai fait comme, ah, tiens, on va commencer à en faire un autre, puis un autre. Mais là, tu nous dis que c'est des amis qui t'ont amené là, mais toi, à la base, est-ce que tu avais un certain intérêt pour l'animé, le manga ou autre chose geek en général dans ta vie? Oui, j'étais un grand passionné de jeux vidéo, de manga. On m'a adapté à cette passion-là. On m'a donné cette passion-là directement au secondaire avec des animés comme School Rumble, qui est une de mes séries favorites, dont j'ai les DVD à la maison. Sinon, je peux peut-être penser à One Piece, qui était une autre des séries que j'ai pu découvrir quand j'étais un petit peu plus jeune. Je le suis toujours, d'ailleurs. En passant, j'ai pas de cheveux gris pour le moment. Mais moi non plus, on reste jeune le plus longtemps possible, surtout à puissance maximale. Écoutez, ben oui, on est à notre maximum, je crois, ici. On reste dans le ludique le plus longtemps possible. Mais effectivement, là, on parle de manga. Est-ce qu'il y a des... Je disais, dans le manga, qu'est-ce qui t'a... Y a-tu quelqu'un qui t'a amené là ou tu l'as découvert par toi-même? Là, tu parles de shonen présentement. Est-ce qu'il y a quelque chose... Est-ce que tu continues à consommer manga ou animé? Est-ce qu'il y a des séries? Parce que là, t'es un peu plus âgé. Est-ce qu'il y a des séries? Est-ce que... Je veux pas dire évoluer parce que moi-même, j'ai toutes les Dragon Ball à la maison puis je les relis puis je les adore encore malgré que c'est vraiment pour les plus jeunes garçons. Mais est-ce qu'il y a des séries plus adultes maintenant qui t'intéressent ou t'es vraiment resté plus dans ton côté nostalgique, ton côté rétro, si on veut, côté manga? Ah, j'ai toujours été un côté rétro, c'est-à-dire que je fais quand même des belles découvertes d'année en année au niveau du manga, de l'anime, mais j'ose pas trop aller dans le trop adulte non plus. C'est sûr que moi, de mon côté, quand que ça vient un petit peu trop sérieux, tu viens de me perdre un peu. Il faut quand même que ça ait un côté assez cocasse. C'est pour ça que je découvre des nouvelles séries, puis d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui me donnent des suggestions, justement. Dernièrement, on m'a proposé la série Naruto, justement, que j'ai commencé à écouter, et que franchement, je m'attendais pas à ça. T'sais, au départ, je me disais, ok, c'est peut-être un épisode qui, habituellement, dans la vraie vie, ça vaut quelque chose comme 5 minutes, puis c'est du monde qui font juste de la réflexion avant de donner de varger sur un coup. Mais ça, finalement, on découvre, puis de fil en aiguille, on finit par aimer ça. Puis quand t'es rentré finalement dans les conventions, parce qu'on va s'entendre, là, les conventions, ça peut être assez particulier c'est, parfois, oui. Parce qu'il y a les cosplayers, donc il y a ceux qui font ça pour le plaisir, pour la joie d'être là, il y en a qui prennent ça plus au sérieux, on pense aux mascarades entre autres, là, où c'est vraiment un concours, où c'est vraiment sérieux. Puis il y a aussi d'autres phénomènes qui peuvent arriver dans les conventions qui peuvent être des fois dérangeants. Est-ce que toi, ça t'a surpris la première fois? Ça t'a-tu dérangé? Ça t'a-tu fait rire? Ou un peu tout ça à la fois? Y a-tu quelque chose, y a-tu un événement qui te vient en tête que tu fais, oh mon Dieu, la première fois que j'ai vu ça, j'ai été profondément troublé. Ben moi, de mon côté, j'espérais... avant même d'arriver à l'Otakuton, j'espérais secrètement rencontrer une personne en particulier. Eh bien, pour ceux qui sont des habitués de la place, vont peut-être se rappeler, j'avais entendu parler justement d'une personne d'un gars qui se déguisait en Sailor Moon. Là. Et okay. Là, je ne niaise pas. Okay? Oh, là, oui. J'essaie pas de faire un gag, c'est vraiment vrai. Là. Et on s'était donné comme mission secrète, moi et la personne avec qui j'y avais été, de justement le retracer, de le retrouver et de se faire prendre en photo avec lui. Finalement, on ne l'a pas trouvé. On a été un petit peu déçus. On a kické une canne au retour à Trois-Rivières. Mais par exemple, on a fait de belles découvertes, des personnes qui se déguisent en mascotte et qui acceptent de passer une journée de 24 heures avec ça. Fait que c'est idéal. On a notre ami Andrew qui a levé les bras parce qu'Andrew, lui, il a un costume de Pac-Man en mascotte et il peut confirmer qu'après 15 minutes, c'est très chaud dans une mascotte. Le fameux symptôme de convention Smelly Otaku est très fréquent. Ça prend pas de temps qu'on a le gros cerne de jus de dessous de bras et qu'on fait « Bon, ben, je vais aller prendre une douche. » C'est des beaux costumes, il y a beaucoup de travail dans les mascottes, mais effectivement, ça a un côté un peu plate qui est... Il fait chaud. Ouais, tant aussi longtemps qu'Andrew décide pas de faire comme Rémi Gaillard. Je sais pas si vous avez vu le vidéo où il se promène dans un centre d'achat puis il commence à courir avec des fantômes. Je l'ai fait à la journée cosplay de l'imaginaire, mais il y avait pas de fantômes. Ah, ben. Ouais, Rémi Gaillard qui d'ailleurs se fait donner un généreux coup de club de golf à la fin du vidéo parce qu'il va déranger effectivement des golfeurs en Pac-Man. D'ailleurs, je tiens à le saluer, même si. Écoute sûrement. Oh, je suis sûr qu'il écoute. Non, sûrement, non, non, sûrement. Il faut garder espoir. On a des auditeurs grecs, on sait jamais. Ah, on sait jamais, effectivement. Ah oui. Hey. On salue la Casa Grecque en ce moment. Est-ce que je suis incohérent ou bien... Tout à fait, mais... Ah, OK. C'est le café. C'est pas grave. À cette émission-là, on a le droit. Donc, on parlait aussi de jeux vidéo. T'aimes les jeux vidéo parce que on veut connaître finalement un peu l'homme derrière Luduc. Côté jeux vidéo, c'est quoi tes préférences? Est-ce que encore là, t'es plus rétro gaming ou t'es quand même à jour? Est-ce que t'es PC? Est-ce que t'es PlayStation, Xbox fan ou encore t'es encore avec ton Super Nintendo, ton Genesis à la maison? Ou encore iPad user? Non, même pas iPad user. J'aime de tout à ce niveau-là. Je dois vous avouer, je suis quelqu'un de très rétro, c'est-à-dire que Mario RPG, les anciens Mario Kart, dans ces coins-là, je vais tellement triper, peut-être aller me chercher des émulateurs, je vais jouer sur mon MacBook, je vais m'amuser. Sinon, je suis à jour au niveau du jeu vidéo. Quel jeu que ben justement là je suis un gros maniaque, un gros adepte de la série Kingdom Earth, qui est une alliance entre Square Enix et Disney. Oui, on sait, monsieur Andrew nous en parle souvent. Oh, ben je te respecte Andrew. J'ai fait une critique de chacun des jeux à cette émission, pas assez à la même chaise mais pas loin. Ah ben justement, tu sais, je fais le cosplay que j'utilise pour la plupart de mes reportages, etc., de Kingdom Earth Bird by Sleep et excusez-moi, je tousse partout. La majorité des fois les personnes qui connaissent pas partout le personnage m'appellent Goofy Pen ou quelque chose du genre là. OK. C'est des anglophones. Des fois faut les respecter pareil là, tu sais, c'est pas de leur faute. Non, c'est pas de leur faute, il faut les aimer pareil hein. Et là j'ai vu passer sur Facebook un peu avant l'émission que t'allais nous faire la grâce de quelques scoops pour tes projets futurs. Écoute, j'espère que c'était pas des promesses en l'air. Est-ce que t'as quelque chose à nous dire sur les ondes de puissance maximale aujourd'hui par rapport à tes futurs projets? Eh bien, Mike, je suis enceinte. Non, c'est pas vrai. c'était tout simple, finalement. Il y a plusieurs projets qui s'en viennent en ce moment. Je suis très content. Un prochain reportage au Nadeshikon qui va dans les 9 prochains jours. Là, pas la fin de semaine qui s'en vient, mais l'autre. L'autre à Québec, à l'Université Laval, oui. Oui, c'est en plein ça. Je suis très content d'y aller. Ça va être ma toute première fois. C'est-à-dire qu'on va découvrir pour la première fois le Nadeshikon qui va se situer à l'Université de Laval, si je me trompe pas. C'est en plein ça. C'est en plein ça, c'est beau. Sinon, il y a l'animette, justement, qui vient d'être confirmée. J'ai vu passer ça aussi sur les réseaux sociaux. Ben c'est ça. Hey, une chance qu'on a les réseaux sociaux. Maintenant, retournons à 95 et. Qu'est-ce qui se passait en 95? On se parlait, mesdames et messieurs. Ouais. Et on utilisait Post Canada. Hey, c'est quoi déjà Post Canada? Non, c'est pas vrai. Ils font des fax à Star puis des mandats poste. Ah, ok. Je pense que c'est tout ce qu'ils font maintenant. C'est tout ce qu'ils font? Oh, pauvre Post Canada. La prochaine fois que vous allez voir un facteur, non, mesdames et messieurs, faites-leur un câlin. Ils livrent les colis Amazon. Ah, effectivement, j'en ai reçu un hier d'ailleurs. Merci Post Canada. Grâce à Post Canada, Amazon fonctionne. Félicitations à eux. Écoute, Luduc, merci beaucoup d'avoir passé à l'émission, mais tu vas rester avec nous pour le reste. Ben oui, je vais rester. Puis justement, là, je suis intéressé à savoir c'est quoi ce scoop-là de dernière minute. Je veux connaître ça. Ben, on va espérer que notre scoop se présente. Oui, ben justement. On verra. Au pire, ce sera peut-être à la semaine prochaine, mais on essaie de réserver quelque chose pour nos auditeurs. Oui. Et je te donne le droit d'intervenir dans le reste des chroniques de l'émission. Ça me fait plaisir, Mike. Merci beaucoup d'être passé à l'émission et de rester. On va continuer en musique après cette excellente entrevue avec une belle chanson, en fait, une chanson de Charles Aznavour, et je fais peut-être dire un scoop à la radio, c'est qu'il y a Charles Aznavour sera présent au Salon du Livre demain, vendredi, à partir de midi, je crois, au kiosque de 10 médias. Je sais pas si c'est un scoop, je sais même pas si ça a été annoncé, je l'ai su parce que j'ai des contacts, mais d'ailleurs, le Salon du Livre qui se tient jusqu'à dimanche, allez-y. Profitez-en, c'est toujours un bel endroit pour aller bouquiner, pour aller trouver justement faire des trouvailles côté littérature. Donc, comme je disais, on va aller en musique avec Charles Aznavour et les deux guitares. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Raniment du fond des nuits, toute ma mémoire, sans savoir que roule en moi un flot de détresse, font renaître sous leurs doigts ma folle jeunesse. Perlas y choraz, isha managa managaraz, echaraz, ishoraz, isha managa managaraz. Jouez, Zigane, jouez pour moi, avec plus de flamme, afin de couvrir la voix qui dit à mon âme. Où as-tu mal? Pourquoi as-tu mal? T'as mal à la tête, mais bois un peu moins aujourd'hui, tu boiras plus demain et encore plus après-demain. Echeraz, ischoraz, ischamanaga managaraz. Echeraz, ischoraz, ischamanaga managaraz. Je veux rire, veux chanter, essouer ma peine, oublier le passé, qu'avec moi je traîne. Allez, apportez-moi du vin fort, car le vin délivre, oh, versez, versez mon corps, pour que je m'ennuie. La la er, raz is choraz, is shamanaga managa, raz er, raz is choraz, is shamanaga managa. Deux guitares en ma pensée, jette un trouble immense, m'expliquant la vanité de notre existence. Que vivons-nous? Pourquoi vivons-nous? Quelle est la raison d'être? Tu es vivant aujourd'hui, tu seras mort demain et encore plus après-demain. La la la la la la la la la la la la. Quand je serai ivre mort, faible et lamentable, et que vous verrez mon corps roulé sous la table, alors vous pourrez cesser vos chants qui résonnent. Mais en attendant, jouez, jouez, je le redonne. Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale. Oh oui, Puissance Maximale qui est de retour pour une chronique avec Andrew Castagan, mais je tiens à saluer Monsieur Guillaume Forand qui est dans le studio, qui vient d'entrer pendant la chanson. Ça va bien, Guillaume? Ben oui, ça va bien. Puis vous autres? Effectivement. Tu es, je l'annonce officiellement, tu es notre scoop. On va en parler après. Je veux tenir quand même un certain suspense. C'est pas le stock que tu parles qui est le scoop, c'est le fait que tu sois là. Ouais, c'est ça, on voulait juste dire que Guillaume allait être là. Je suis déçu un peu, je pensais que c'était moi vraiment que vous attendiez aujourd'hui spécifiquement. Presque. Mais je suis content que tu sois là, Guillaume, regarde, comme ça le scoop peut vivre, c'est parfait. Tu vas faire, tu fais plaisir à Luduc qui t'attendait. C'est plus les cadeaux que j'amène là, qui me rendent intéressant aujourd'hui. Excellent. Oh. Donc, on va continuer avec la chronique de M. Andrew Castagan qui va nous parler de, pas de vraiment de rétro gaming, mais de Beat 'em All, de Shoot 'em All, qui est disponible sur Xbox. Xbox Live et PSN. Oui, ben en fait, c'était des jeux que j'avais déjà parlé sur les ondes, mais c'était dans mes temps de début de chroniqueur et je n'avais pas l'expérience de bien décrire les choses. Mais en fait, je voulais parler des deux classiques, Alien Omnide et Castle Crasher, fait par les studios de jeux Behemoth, qui dans le fond est un peu les animateurs et qui programmeurs de base du site très populaire collectif Newgrounds. Et dans le fond, c'est en fait des jeux disponibles sur le Xbox Live Arcade et le PSN, donc des jeux pas chers et qui offrent quand même une bonne qualité là, dans le fond au niveau du jeu. Et en fait, juste pour vous donner une idée, Alien Omnide, c'est un jeu qu'on peut déjà jouer sur le Newgrounds. On parle en fait d'un jeu shoot'em up, un peu comme à la Metal Slug ou Contra. Donc, dans le fond, c'est un one-hit kill. Donc, aussitôt on se fait toucher par une balle, on meurt. On joue un extraterrestre qui s'est échoué qui en fait, qui s'est écrasé sur la terre et il doit s'échapper. Et les agents du FBI courent après lui et veulent le tuer. Des très nombreux agents du FBI qui en ont assez pour alimenter un jour complet, leur tirer dessus. Exactement. Et pendant plusieurs tableaux, il y a des robots et plein d'affaires. Et je vous dirais, qu'est-ce qui est particulier de ces jeux-là, c'est que les dessins sont tous faits à la main par le biais de Flash et tous ces éléments-là, dans le fond, aux tablettes. Fait que, tu sais, c'est des animations très fluides. On a vraiment l'impression de regarder un dessin animé là, quand on joue à ces jeux-là. C'est vraiment très bien fait. Surtout que sur les Xbox Live Arcade et le PSN, contrairement à Newgrounds, tu sais, on peut vraiment profiter du jeu en HD. En fait, il s'en cache pas. C'est des jeux qui ont été programmés en HD. C'est des belles couleurs. En tout cas, pour Castle Crashers, je me rappelle bien, c'est des belles couleurs vives. L'action, c'est assez captivant, hein, surtout en haute définition comme ça. Ça vaut la peine, effectivement, de jouer ça sur une grosse TV HD. Puis, tu sais, je vous dirais, Alien Omenide, si vous aimez les jeux comme Contra, si vous avez aimé Contra au Nintendo, je vous dirais, c'est un must. Vous allez vraiment retrouver la frénésie de tir et vraiment toute l'ambiance de jeu qu'on peut retrouver, le stress dans ce genre de jeu-là. Et c'est plus que ça fait longtemps qu'ils sont sortis, tu sais, c'est des jeux qu'on peut retrouver souvent entre 2,99 et 9,99 sur les Xbox Live Arcade et le PSN. Donc, puis en plus, ils tombent souvent en spécial lors des aubaines qu'on a sur les Xbox Live et le PSN, donc très intéressant. Puis aussi en même temps, plus qu'ils viennent du même studio, on peut généralement avoir un bundle, donc un duo, avec le jeu Castle Crasher, qui est un jeu un peu plus comme les Tortues Ninja, Turtle in Time, qui avait eu au Super Nintendo un beat'em all à 4 joueurs, où on joue des chevaliers qui ont chacun leurs caractéristiques. Et en fait, Castle Crasher, c'est très simple. Un sorcier noir vole le cristal magique du roi et kidnappe les 4 filles du roi, parce qu'évidemment, il y en a 4. Et les 4... Pas de chicane. Exactement, chacun leur princesse. Et les 4 chevaliers du royaume décident de partir à l'aventure et récupérer ce cristal et récupérer leur femme. Le graphique, j'imagine, ben, je me rappelle un peu l'avoir vu, c'est un peu cartoon là, pour oui, ben c'est ça, c'est vraiment dessin animé là. Comme je dis, c'est pas du gros 3D comme Call of Duty, là, attendez-vous pas à ça là. C'est vraiment petit cartoon. Par exemple, chose à savoir, c'est violent. C'est très violent. C'est pas, gore, on voit du sang, il y a de la décapitation. Donc, tu sais, on met pas ça entre les mains d'un jeune de 10 ans, là. On s'entend, c'est 16 ans et plus, là. Tu sais, je vous le dis tout de suite. À moins d'être un parent irresponsable. Déjà, en partant, tu me parlais de concept de chevalier, de princesse, là. Je faisais comme, oh, wow, c'est tout cute. Puis là, maintenant, tu m'arrives avec ça. Je fais comme, OK, on se prend tout. Ben, il y avait vraiment des princesses à l'époque et des chevaliers, puis ils se battaient pour vrai. C'est la meilleure représentation historique qu'on peut avoir de l'époque. Exactement. Puis, en fait, c'est un jeu très simple. Généralement, on utilise le stick directionnel, le A pour sauter, les boutons pour un coup, puis les coups d'épée, et l'autre pour la magie. C'est très simple, facile à prendre en main. Il doit avoir un bouton, là, si tu pèses sur deux en même temps, ça fait un coup spécial qui fait baisser ta vie, mais qui endommage plus tes ennemis. Non. Même pas. Y a une combinaison de touches qui fait juste en sorte que tu fais un sort longue portée ou un sort courte portée. Donc, tu sais, c'est... Ah, ils ont quand même réussi à faire de l'innovation. Ouais, mais genre. Moi, je suis déçu, il n'y a pas de moyen de portée. Fait que le jeu m'intéresse pas. Non, c'est pas vrai. On fait une révolte. Mais tout ça pour dire que, tu sais, c'est des jeux faciles à prendre en main, une bonne durée de vie, encore le même principe qu'Alien Omenide. On retrouve ces jeux-là dans les mêmes catégories de prix que le 2,99, 9,99. Puis je vous dirais, si vous adorez les beat'em all comme Double Dragon, Turtle in Time, puis tout le kit, c'est vraiment un must à avoir comme jeu, très intéressant. Puis en même temps, je vous dirais, c'est des jeux qui sont très intéressants à acheter parce que on peut remarquer aussi une hausse de la popularité des indie games, dans le fond, les jeux des studios indépendants. Puis c'est une bonne façon de vraiment encourager ces studios-là qui, généralement, créent des jeux qui sont de meilleure qualité que les gros studios. Donc eux, ils font des jeux complets. Quand ils le vendent, le jeu, il est complet. Vous n'avez pas besoin d'acheter des DLC pour le compléter. Il n'y a pas d'update après 5 minutes que le jeu est sorti parce qu'il y a un bug. On remercie les studios parce qu'on en parle à peu près à toutes les émissions ici que ça nous frustre donc bien de payer 60$ un prix neuf pour avoir un jeu finalement qui est incomplet. Mais là, on veut remercier tous les studios mais de jeux indépendants. Si le jeu indépendant n'est pas complet, on n'a pas à repayer. Exemple, Minecraft. Mais justement, tu parlais de DLC tantôt. Je vais peut-être m'écarter un petit peu du sujet, mais moi, tout de suite, quand tu me parles de ça, je pense à Marvel vs. Capcom 3 qui a été très décevant à ce niveau-là. Ben, Capcom, en général, là, je pense que ça fait un mois qu'on en parle non-stop à l'émission en disant que justement, Capcom, c'est un des pires. Il y a toujours quelque chose à rajouter ou même pire que tout avec le dernier. Azura's Wrath. Azura's Wrath, puis aussi. Pour payer pour la fin. Sérieusement? Ouais, un DLC. Et puis Street Fighter Cross Tekken, que les personnages spéciaux étaient déjà sur le disque, mais il faut acheter un code en DLC pour le débarrer. C'est-tu assez ridicule? On devrait faire une pétition contre le DLC. Ça... Quand, non. Là, on va faire une pétition contre l'industrie du jeu à ce moment-là. Ah ouais, non, après c'est ça, vrai. Finalement, laissez faire ce que j'ai dit. Mais je voulais prendre le temps de vous rappeler de ces ODs-là, parce que c'est des jeux que j'avais laissés à l'oubli pendant très longtemps. J'ai rejoué la semaine passée et c'est toujours aussi satisfaisant malgré l'âge. Je vous dirais, si vous avez un 20$ puis vous savez pas trop quoi faire, vous avez le goût de vouloir un jeu, je vous dirais, investissez-le, encouragez l'industrie indépendante à acheter ces deux jeux-là. Mmh. C'est un must. Vous devez l'avoir sur votre PlayStation ou votre Xbox. Puis tu disais en plus que Newgrounds, ben ça venait de Newgrounds, ce jeu vidéo-là? Ben, le créateur de Newgrounds, c'est Tom Falk. OK. Et c'est le programmeur des deux jeux. OK. Et dans le fond, il y a une bonne partie des jeux que Tom Falk programme, que c'est un Danis, j'ai oublié son nom de famille, mais bref, un dessinateur qui est su pas mal tout le temps. C'est les deux créateurs vedette de ces jeux-là, donc... Mais je suis content, justement, que l'industrie aille voir des... l'industrie, justement, du web pour pouvoir se baser pour faire de nouveaux jeux. Il y a du beau talent dans le web, effectivement. Mm. Hey, écoutez, c'est déjà la fin de cette chronique. Merci, Andrew, de nous avoir parlé de ces deux jeux. Toujours un plaisir. Merci beaucoup, et on continue en musique avec une autre excellente chanson qui s'appelle Devil's Dance Floor du groupe Flogging Molly. Et vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Sanity crushed beneath her wave like a ship I could not reach the shore. We're all just dancers on the devil's dance floor. Bounce, swing a little more, and merry go. Swing a little more, little more next to me. Swing a little more, and merry go. Swing a little more on the devil's dance floor. Crushed against her face, I could feel her insecurity. Might have been a drunk, and her father was obscurity. Nothing ever came from life that was a simple one. Pull yourself together, girl, have a little fun. Well, she took me by the hand, I could see she was a furry one. Her legs ran all the way up to heaven and past Avalon. Tell me something, girl, what it is you have in store. She said, come with me now. We'll be right back. Bună ziua, mă numesc Andreea, sunt de la Fox Mind și îmi place puissance maximale. Et boy, ça va partout, ça. Effectivement, c'est du roumain, si je ne me trompe pas. Et nous sommes rendus, mesdames et messieurs, à notre scoop, à M. Guillaume Forand, qui est dans les studios de CKIA FM, pour nous parler de PAX East, où il s'est rendu la fin de semaine dernière. PAX East, on répète, c'est le Penny Arcade Exposition 2012. Et je sais pas, ça fait quelques fois que tu y vas, Guillaume? 3 ans. Ma troisième année, donc la troisième année que ça a eu lieu aussi sur la côte S, car ça fait plusieurs années avant ça que ça existait sur la côte ouest. Puis là, tu en as profité pour aller visiter. J'espère que tu as vu des. Ça avait l'air. Moi, je regardais les reportages de différents groupes là, sur Internet. Ça avait l'air vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui t'a jeté par terre? Qu'est-ce qui t'a un peu déçu? Parce que ça arrive. Parle-nous de ton expérience. Ben, c'est sûr, certain que vu que c'est ma troisième année, je savais un peu à quoi m'attendre côté là-bas rendu sur place. Comme les deux autres années d'avant, une fin de semaine, c'est pas assez, parce que, premièrement, il y a tellement de gens qu'il faut faire des files. Ça, on peut pas s'en cacher. Il y a des files pour essayer des jeux. Il y a des panneaux ou dans le fond, des sessions où est-ce que des développeurs vont parler à propos de quelque chose. Faut aller faire la file pour s'assurer d'avoir une place. Donc, malheureusement, une partie de ta fin de semaine, tu le passes dans des lignes à attendre. Mais c'est pas grave, on rencontre tout plein de gens, puis c'est quand même intéressant. Puis PAX, comme les deux autres années, c'était génial. Cette fois-ci, on y était à 8 personnes, donc quand même 2 voitures remplies, et c'était une expérience inoubliable. Dis-moi, Guillaume, tu dis que tu as rencontré plein de gens intéressants. As-tu croisé Brental Floss? Non, mais j'ai vu Phil Chaudé, par exemple. Ah, ça compense. Ça compense, et j'ai pensé fortement à Vincent à ce moment-là. Puis moi, je me posais la question, est-ce que c'est la place pour le cosplay? Il y en a du cosplay, il y en a beaucoup. Même, j'ai même entendu dire qu'il y a quelqu'un qui s'est fait mettre dehors de PAX East. C'est une dame qui incarnait, en cosplay, qui incarnait le personnage principal de Lollipop Chainsaw. C'est ça, je l'avais lu ça. Qui était trop sexy, puis PAX East, c'est une des politiques, je pense, c'est un truc beaucoup plus familial, puis on a des politiques assez sévères à ce niveau-là. Il y a une question de peau visible, limite, et malheureusement, oui, je l'ai vu, la personne est effectivement la... Tapez Lollipop Chainsaw sur Internet, là, sur Google, vous allez comprendre de quoi on parle. Mm. Et ça a l'air un jeu totalement hot. Oui, quand même. Ben justement, j'avais vu la nouvelle à ce niveau-là, et il y avait la photo attachée. Mais selon ce que j'avais entendu parler, c'est que c'était vraiment une personne. Je pense que c'était un mannequin qui avait été engagé par la compagnie. C'est une actrice slash mannequin. Ah, une actrice, là, OK. Bon. Qui a été engagée par la compagnie pour incarner le personnage. OK. Mais toi, est-ce que tu as vu... tu n'as pas vu d'incident aussi fâcheux que ça? Il y a du cosplay un peu. Mais est-ce que tu es... Quel kiosque t'as visité finalement? Est-ce que tu peux nous donner des scoops que tu as vu sur place? Le kiosque de League of Legends que je voulais aller faire. Malheureusement, quand j'ai vu la file et que j'aurais dû passer la moitié de ma journée dans la file pour essayer de voir quelque chose, j'ai décidé de pas y aller. Malheureusement, c'était trop populaire. Fallait vraiment être un gros fan pour y aller. J'aime bien, j'ai déjà joué un petit peu, mais je suis pas fan à ce point-là pour aller passer la moitié d'une journée quand on manque déjà de temps pour juste faire la file. Dans le fond, c'est pas Minecraft. Minecraft, non. Mais Minecraft, par exemple, j'ai vu la version Xbox, puis je l'ai même essayé. Donc Version Xbox, mais pas... Est-ce qu'il y a version Kinect avec ça? Non, version Kinect n'est pas encore officiellement supportée et sortie, mais ça mais sent... Il va en avoir un. Ben, tout de suite, pour vous le dire, que Minecraft, version Xbox, première des choses, c'est la 1.6 qui va sortir comme version, donc il n'est pas à jour autant que la version PC. On ne pourra pas jouer sur les mêmes serveurs que les PC. Donc, ça a été confirmé, malheureusement. Première question que j'ai posée, j'ai été déçu là-dessus, mais qu'est-ce qu'on veut? On peut pas tout avoir là-dessus. Mais une chose qu'on a améliorée, c'est le crafting. Donc, pour créer ces objets, quand on clique sur notre table de crafting, on ouvre le menu et toutes les recettes sont là. Et ça nous dit tout de suite toutes les recettes qui existent, il reste juste à avoir les ingrédients pour pouvoir le faire. Ça, j'avoue, c'est beaucoup plus pratique. Ouais. Donc ça, c'est quand même un point positif. Côté contrôle, ça se contrôle bien. C'est pas comme un clavier souris, mais quelqu'un qui est moindrement habitué sur l'Xbox avec une manette va bien se débrouiller avec aussi, là. Donc c'est pas à dénigrer, c'est une question d'habitude. Il y a des gens qui vont aimer, des gens qui aimeront pas avec la manette. C'est une question d'habitude, comme jouer à Halo. Moi, je suis pas capable avec une manette. Il y en a d'autres qui adorent ça puis qui jouent juste par ça. Moi, je suis pas capable. Mais c'est une question de... T'es exactement comme moi, Guillaume. Clavier, souris, for the win. Mais on est habitué à ça aussi. Mais Guillaume, est-ce qu'ils ont parlé d'un prix? À combien qu'elle allait se vendre? Non, sur, il n'y avait pas de prix d'indiqué. Ils ne pouvaient pas en parler non plus parce que les gens qui sont là ne peuvent pas vraiment nécessairement parler des prix, surtout quand c'est une grosse compagnie comme Xbox en arrière. Ils ne peuvent pas parler des prix de la valeur de quelque chose va se vendre. J'imagine que ça ne devrait pas se vendre bien plus cher que la version pour PC, mais j'ai pas eu de confirmation, j'ai pas eu de prix. Selon qu'est-ce que les gens disent sur Internet en ce moment, ça va tourner autour d'une vingtaine de dollars américains ou canadiens, tout dépendant qu'on veut voir ça. Mais quand même, j'étais assez bouche bée de voir que Minecraft passe sur Kinect. Il me semble que j'aurais plein d'autres idées avant Minecraft. Je sais pas, je suis le seul à penser ça. J'en mets de la Kinect dans la poubelle, mais c'est mon opinion personnelle. Le Minecraft avec Kinect, ça a déjà été fait même avant, mais c'est sur PC. Il y a quelqu'un qui a hacké son Kinect pour jouer à Minecraft sur PC. Ça fait déjà presque un an de ça, là, quand le Kinect est sorti. Ça a déjà été fait. Là, par contre, ça a été une vraie version supportée, mais encore là sur l'Xbox, mais ils n'ont pas tous les détails là encore confirmés. Supposément, ça va sortir mois de juin, juillet peut-être, selon les informations là qui circulent, mais rien de confirmé à 100% encore. Et ils ne voulaient pas non plus confirmer sur place plus d'informations à ce sujet. À part Minecraft, quel autre jeu as-tu essayé? Quelle autre nouvelle as-tu pour nous? J'ai un coup de cœur. Chaque année que je m'en vais là-bas, j'ai un coup de cœur. Cette année, ça a été un jeu Neverwinter. Ne pas confondre avec Neverwinter Nights, qui est un RPG. Neverwinter, c'est un hack and slash, on pourrait dire un petit peu à la Diablo. Third person, dans le fond, est en arrière du personnage un peu en recul. C'est un hack and slash. On avance, on tue des monstres, on ramasse des trésors, on monte de niveau, on achète des habiletés spéciales. C'est un hack and slash tout à fait typique. Par contre, la version que j'ai jouée, la version qu'il y avait sur place, c'était une version pré-alpha. Donc déjà là, on se dit « Oh, pré-alpha, ça va être rempli de bugs, ça sera pas beau. » J'ai jamais vu une version pré-alpha aussi belle que ça. C'est plus beau que certains jeux qui sortent officiellement par certaines grosses compagnies. C'était clean. Les cruautés graphiques, j'ai pas vu de bugs évidents. Il y avait rien qui me sautait. Ouh, ça, genre, tu t'en vas dans le coin là, puis la caméra, elle reste coincée. Pas d'ennemis qui restent coincés contre un arbre, puis qui font rien. Donc, quand même, juste ça me porte à croire que le jeu va avoir un très bon potentiel. Vu que déjà, dans la version pré-alpha, il y a pas beaucoup de bugs. Mais, le jeu, il y a quelques défauts quand même. Si, côté balancement, en ce moment, je suis pas certain encore. Faut pas oublier hein, aussi pré-alpha. Donc, il se cherche encore. C'est pas encore très bien balancé. Et aussi, ils ont baissé un peu le niveau de difficulté pour que les gens puissent jouer facilement et passer à travers le premier tableau à travers pendant leur essai. Donc, ça vient jouer un petit peu là aussi là sur la difficulté, sur le tout. Mais je vous suggère d'aller voir un petit peu sur Internet qu'est-ce qu'il y a par rapport à Neverwinter. Ça va être un jeu PC, ça? Jeu PC, qui va être un free-to-play, donc gratuit à jouer. Donc, on n'est pas obligé de payer pour le jeu. C'est un genre MMO d'une certaine façon parce que ça va être en ligne. On va pouvoir faire des quêtes avec d'autres gens pour aller justement tuer les gros méchants. Donc, un genre de free-to-play, Diablo, MMO en même temps parce que c'est sur en ligne, les gens vont pouvoir aller selon les informations que j'ai eues dans des tavernes pour se regrouper, faire des groupes, après ça partir en aventure. Donc un genre de MMO hack and slash Diablo third person, très très intéressant, free to play, donc dans l'univers de Forgotten Realms. L'univers de Forgotten Realms, et le fait que ça soit gratuit, c'est très très intéressant là-dessus pour tout le monde, au moins pouvoir l'essayer et savoir est-ce qu'on veut investir du temps et éventuellement peut-être avec un petit peu d'argent acheter des affaires supplémentaires en jeu. Le jeu n'est pas encore sorti, comme j'ai dit, pré-alpha. Donc, le bêta sort quelques temps cet été, probablement dans le coin du mois de juillet. Donc, gardez un œil là-dessus. Et je suis sûr que les gars, vous allez pouvoir en parler plus tard, vu que je vous ai eu des clés de bêta exclusives. Merci, Guillaume. Évidemment, on va en parler dès qu'on va pouvoir l'essayer, on va en parler. On va en venir plus en détail sur le jeu Neverwinter. Alors, je te remercie, Guillaume. Écoute, c'est vite dit, mais écoute, tu es le bienvenu la semaine prochaine et les autres semaines pour venir nous reparler des autres choses. Parce ça que va faire plaisir. Le temps file et malheureusement... Mais je ne pourrais pas parler de mon playtest de la 5e édition parce que j'ai signé un papier qui dit que j'ai pas le droit d'en parler, mais juste pour vous mentionner que oui, il y avait un playtest de la 5e édition de Donjon Dragon. Ça fait pas si longtemps qu'elle a été annoncée déjà en playtest. C'est plate que tu puisses pas en parler, j'aurais aimé ça en entendre. Mais écoute, dès que tu pourras le faire... Tu pourras quand l'horaire va le permettre, c'est sûr, certain que je vais revenir. Excellent. Donc, on continue en musique avec écouter une chanson de circonstance, La Manifestation avec les Cowboys Fringants en ces temps de manifestations étudiantes. D'ailleurs, l'équipe de Puissance Maximale tient à saluer et à soutenir les étudiants dans leur lutte pour l'égalité et l'accessibilité à l'éducation. Et on y va avec la manifestation sur les ondes de CKIA FM 88.3 à l'émission Puissance Maximale. Sont arrivés en Westphalia en criant SOS Gaïa, accoutrés comme des hippies avec les yeux rougis. Cheveux longs et surplus d'armée, en bédaine et jouant du tam-tam, on se serait cru 30 ans passés pendant la guerre du Vietnam. Il y avait tous les clichés de l'époque, des granolas, des chemises en macramé, aux filles poilues en dessous des bras. Dans grande majorité du cégep du Vieux-Montréal, tout cela pour manifester contre les multinationales. Grelottait en ce froid jeudi de printemps et aux étudiants qui foxaient s'ajoutaient quelques passants. Des marxistes, léninistes, des militants pour le pot et une couple d'écologistes ont investi le spot. On écoutait le vieux cinglé qui se prenait pour Castro avec son képi d'officier et son couteau de Rambo. Mais on a vite constaté qu'il lui manquait un bardeau quand il nous a proposé de faire un concours de limbo. À la manifestation, sans trop écorcher le système, et on scandait des beaux slogans contre les OGM. Quand soudain sont débarqués des types un peu extrémistes sous de ninja cagoulés, se proclamant activistes comme des petits Che Guevara. Ils ont pitché deux, trois pétards, les bœufs sont rendus dans le tas. Je jure qu'ils ont pas veillé tard. Pour faire un danseton, les policiers en beau fusil ont sorti menottes et matraques et ont approché les hippies à grands coups de jarnac. Pendant que les écologistes pleuraient devant tant de sévices en implorant Jésus le Christ de stopper l'injustice, on entendait les chiens japper à travers le bruit des sirènes, ben étouffés par la fumée des gaz lacrymogènes. Au même moment, la gang de fils qui dansait à poil sous la pluie faisait comme un remake de Grease en version Hillbilly. Quand le ciel s'est déchaîné, à l'écoute de Puissance Maximale avec Franck Pithiot, invité d'honneur de Géanime 2012. Ah, oh, c'est Franck. Eh oui, c'est Franck, mais c'est aussi la fin, malheureusement, de Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique. Oh. C'est déjà la fin, ça passe tellement vite. Je voudrais remercier toute l'équipe qui était là aujourd'hui, commençant par Monsieur Andrew Castegan, qui est à la mise en onde. Merci, Andrew. Toujours un plaisir. Monsieur Luduc, qui était là pour une entrevue aussi, pour ses merveilleux commentaires pendant les chroniques. Merci. Ben, j'ai été très ravi d'être là. Hey, merci, j'espère qu'on va se revoir. Ben, je l'espère aussi, surtout dans une convention, là, j'imagine bien qu'on va dans se revoir. Dans une convention là. Près de chez vous. Effectivement. Ouais. Et merci à M. Guillaume Forin qui était là pour nous parler pour une première partie de PAX-East. Il va sûrement revenir pour nous en parler. Dès que l'horaire le permet, je vais revenir, c'est sûr et certain. C'est pas à cause que je viens beaucoup moins souvent qu'avant. L'horaire le permet pas, mais Puissance Maximale, la radio, le jeu, c'est une passion, donc on peut pas s'en sortir. On revient, c'est sûr et certain. On t'aime toujours, ouais, Guillaume. Ben c'est ça, toujours. Je m'ennuie déjà, Guillaume, en ce moment. Merci, Guillaume. Et mon nom, moi, c'est Mickaël Michaud, votre animateur Toujours content d'être là pour toute l'équipe de Puissance Maximale et pour vous, chers auditeurs. On vous rappelle www.puissancemaximale.com de nous venir nous voir pour le site internet et aussi sur le site internet de CKIA-FM pour les cartes de membres. C'est le temps, 20$ pour votre carte. C'est pas trop payé pour avoir un micro libre à Québec. Rapidement aussi, cause qu'on est en train de l'oublier, si vous êtes un fan de Brental Floss, la nouvelle vient de sortir avant l'émission. Son deuxième CD est en précommande. Allez sur son site, l'acheter, encouragez. Oh oui, yes, allez chercher ça, on en fait souvent passer à l'émission, ça vaut la peine. Et on vous rappelle que tout de suite après nous, c'est la bande originale avec Monsieur Benoît Quentin pour votre émission finalement de musique de film. Donc merci d'avoir été là et passez une bonne semaine de jeu. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D. Warriors who terrify. It's D&D. Virgins till the day we one, two, three, four, yeah.